le prix Nobel de physique était remis pour la 14e fois à un scientifique français, Gérard Mourou, récompensé pour ses travaux sur les lasers et notamment sur le laser picoseconde à l'époque, ou plus exactement, la technique d'amplification à dérive de fréquence. Prix remis également à Donna Strickland, faisant d'elle la seulement 3e femme de l'histoire à obtenir le Nobel de physique. Cette avancée technologique, au départ envisagée comme pure recherche fondamentale, sert depuis à de multiples applications très concrètes, notamment dans la chirurgie ophtalmologique ou la découpe de précision, et peut-être demain dans la gestion des débris spatiaux, voire la réduction des déchets radioactifs. Gérard Mourou et Donna Strickland, deux Nobel en lumière. C'est le programme amplifié qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Gérard Mourou. Bonjour, bonjour Nicolas. Nous sommes tout particulièrement ravis de vous accueillir enfin à ce micro après de multiples péripéties qui nous ont contraints à de nombreuses reprises de reporter cette rencontre. Donna Strickland n'est pas directement avec nous ici en studio, mais nous avons eu la chance de pouvoir nous entretenir avec elle lors de l'un de ses passages à Paris. Nous l'entendrons tout à l'heure, mais avant de vous retrouver l'un et l'autre, eh bien on commence par un passage en revue de l'actualité scientifique du jour, et c'est comme chaque jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et à la une de ce journal des sciences, une publication dans la revue Nature Medicine sur une nouvelle stratégie thérapeutique contre le VIH. Et aujourd'hui, pour les personnes infectées par le VIH, il y a un traitement très efficace, le traitement antirétroviral, qui freine la multiplication du virus et qui permet de diminuer la charge virale jusqu'à un niveau indétectable. C'est pour ça qu'une personne séropositive sous traitement n'est plus contaminante. Mais cela ne permet pas d'éradiquer complètement le virus. Dans cette étude, une équipe internationale tente une autre stratégie. L'immunothérapie. Il s'agit d'utiliser des anticorps anti-VIH pour stimuler la réponse du système immunitaire. Des anticorps monoclonaux à large spectre ont été isolés chez des patients infectés puis clonés. Cela a été testé sur un nombre restreint de patients, c'est encore trop tôt pour dire s'il s'agit d'une avancée majeure, mais les résultats sont très encourageants. Olivier Schwartz est directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur à Paris. Dans le cas du VIH, ces anticorps existent, ils s'appellent des BNABs, Broadly Neutralizing Antibodies, donc ces anticorps, BNABs ou anticorps neutralisants à large spectre, peuvent se fixer sur l'enveloppe du virus et neutraliser le virus. Et ils sont en essai clinique actuellement chez l'homme. Alors quel est l'avantage par rapport au traitement antirétroviral classique? Eh bien c'est que ces anticorps ont une durée d'action qui peut être de plusieurs semaines. Donc ils neutralisent le virus pendant des périodes plus longues que le traitement antirétroviral classique. Donc un des intérêts de ces anticorps, ça serait d'espacer les prises de traitement antirétroviraux par exemple. Il y a un autre avantage qui est dû à l'effet immunothérapie et c'est l'effet pseudo-vaccinal. On s'est aperçu que lorsqu'on administre ces anticorps monoclonaux chez des patients infectés, même quand l'anticorps a été éliminé parce qu'il n'est plus présent dans l'organisme, eh bien il y a quand même un effet de stimulation de la réponse de la personne elle-même. Donc c'est un effet pseudo-vaccinal, c'est pas un vaccin, mais ça stimule la réponse immunitaire. Et ce que montre donc ce travail, c'est que chez les personnes qui sont sous traitement antirétroviral et qui ont reçu en plus l'anticorps, lorsqu'on arrête le traitement antirétroviral classique, eh bien les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8, donc la réponse immunitaire de l'hôte, contre le virus est améliorée. Je suis optimiste car l'addition d'une nouvelle approche thérapeutique à l'arsenal ou à la boîte à outils des molécules antirétrovirales disponibles est forcément quelque chose de positif pour les patients. Voilà, et pouvez-vous retrouver, comme tous les jours, le lien vers l'étude qui a été publiée dans Nature Medicine, ainsi que le lien vers de nombreuses études qui vont être citées pour compléter l'écoute de l'émission sur notre fil Twitter @laméthodefc, puis plus tard sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude de Nature Biotechnology, une intelligence artificielle peut prédire à partir des ondes cérébrales d'un patient si un antidépresseur peut fonctionner. Et en France, la dépression concerne une personne sur cinq, mais les antidépresseurs ne fonctionnent que pour un tiers. Comment identifier le bon traitement? Parce que les actuelles méthodes de diagnostic sont lacunaires, les chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis viennent d'inventer une nouvelle technique. Ils ont combiné les données d'électroencéphalogramme de plus de 200 personnes, sous antidépresseurs ou sous placebo, ils les ont combinés à un modèle prédictif avancé. Les signatures cérébrales montrent ainsi quel patient est réactif à la sertraline, un psychotrope. Et selon les auteurs, cela pourrait être précieux pour les cliniciens et leurs futures prescriptions. Selon une étude parue dans la revue eLife aujourd'hui, les quadruplex d'ADN peuvent être liés à des troubles neuronaux. Et l'ADN est le plus classiquement formé en deux brins, enroulés l'un sur l'autre, en double hélice. Mais depuis 2013, on sait qu'il peut provisoirement emprunter des structures plus complexes, en triplex ou en quadruple hélice par exemple. Une équipe internationale vient de prouver que ces structures inhabituelles de l'ADN, dans les neurones, sont des marqueurs de vieillissement. Ils jouent un rôle néfaste sur l'autophagie des neurones, un processus qui permet la survie cellulaire. Les structures de quadruplex G à quatre brins peuvent être des éléments perturbateurs qui déclenchent des troubles neuronaux. Et enfin, selon le rapport The European Power Sector in 2019, les émissions de CO2 issues de la production d'électricité reculent en Europe. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. On parle bien de la production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Elles augmentent dans de nombreux pays. Moins de centrales à charbon, plus de centrales éoliennes et solaires. Les émissions ont fortement baissé en 2019, une diminution de 12% par rapport à 2018. La production d'électricité renouvelable des 28 pays est passée à 34,6%. Les principaux pays qui portent cette avancée sont l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Italie. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018, est notre invité. On entendra dans quelques minutes votre co-lauréate, Donna Strickland. Pour être complet, il faut rappeler que la troisième personne qui a reçu le prix Nobel, on a tendance à l'oublier, mais pour un autre sujet, c'est Arthur Ashkin, un Américain de l'Institute of Physics qui lui travaille sur des pinces optiques et leurs applications médicales. Vos travaux qui ont été récompensés sont sur le laser picosecondes. On va évidemment en reparler. Gérard Mourou, il faut rappeler également que vous êtes professeur émérite et membre du Haut Collège de l'École Polytechnique, professeur émérite de l'Université du Michigan et physicien au LULI, le laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses, qui est un laboratoire mixte polytechnique CNRS, CEA, Sorbonne Université. Ceci étant dit, on va revenir à la racine de vos travaux. Le laser, rappelons-nous que c'est un acronyme anglais pour Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Je vous laisse le traduire, Gérard Mourou. Oui, eh bien, écoutez, c'est simplement le fait qu'on peut maintenant, c'est une lampe, en fait, qui fabrique de la lumière cohérente. Et la lumière cohérente par rapport à la lumière incohérente qu'on a connue depuis 14 milliards d'années, hein, parce que toute la lumière, normalement, est incohérente. Celle-ci, elle est cohérente, c'est-à-dire que tous les photons sont en phase. Alors, je peux élaborer si vous voulez, mais ça me prendra un petit peu de temps. Mais on va revenir là-dessus. On va revenir sur tout ça. Ce qui est intéressant, la raison pour laquelle je rappelais, vous allez l'entendre, que c'est un acronyme, c'est parce que dans l'histoire, pour aller rapidement, et évidemment, on pourra compléter tout ça. Hein, ce rayonnement lumineux, donc qui est spatialement et temporellement cohérent, il est d'abord évidemment prédit par la théorie, notamment par Einstein, qui pose les bases en 1917 de l'émission stimulée. Et il faudra attendre 1960 et Theodore Mannheim qui, dans son petit laboratoire industriel de Malibu en Californie, va mettre au point le tout premier laser à rubis, ce qui nous mène donc à notre archive du jour. Nous sommes peu de temps après cela, en 1964, et c'est un extrait de l'heure de la culture française. Écoutez. Un terme nouveau et singulier a fait récemment son apparition dans le langage scientifique, celui de laser, L-A-S-E-R, que nous prononcerons, si vous le voulez bien, à la française, laser. Qu'est-ce au juste que le laser? Il faut avouer qu'il y a là de quoi piquer la curiosité. Tantôt, on nous dit que le rayon laser peut percer une lame et même plusieurs lames de rasoir. Tantôt qu'il permet d'éclairer la lune et qu'il est susceptible de redoutables applications militaires, top secrète, bien entendu. D'autre part, on apprend que les chirurgiens ont réussi à utiliser ce rayon comme un bistouri immatériel, notamment pour les opérations de la rétine. Le laser remplacerait dans une large mesure le radar. Il se prêterait à la télégraphie optique. Il accélérerait les processus dans les usines de produits chimiques. Et l'on compte sur lui, dans un avenir que l'on nous présente comme assez proche, pour déclencher la fameuse fusion de l'hydrogène dans les bouteilles magnétiques à plasma. Sur le plan théorique, on précise, et ce n'est pas le moins important, que toutes ces merveilles ont été rendues possibles par une technique réellement extraordinaire. Les physiciens ont réussi à manipuler les électrons planètes à l'intérieur des atomes et à traiter la lumière comme s'il s'agissait d'ondes radioélectriques ultra-courtes classiques. Gérard Mouroux, qu'ajouter à cette description de la découverte du laser quelques années à peine après sa création? Oui, écoutez, le laser, c'est quelque chose qui est effectivement absolument révolutionnaire. Moi, j'ai commencé à faire le laser en 1967. C'est pour la première fois de ma vie que j'ai rencontré un laser. Et je ne l'ai plus quitté après pendant plus de 50 ans. Je suis resté avec le laser. Oui, c'est un outil absolument fabuleux. Effectivement, ce qui a été mentionné là est à peu près juste. On a fait énormément de choses depuis. On a rendu les choses beaucoup plus... même qui vont au-delà, absolument au-delà de ce qui a été... énoncé. Voilà. En ce qui me concerne, ce sont... ma préoccupation, ce sont les lasers... à impulsions très très brèves. Alors pourquoi des impulsions très très brèves? Mais il y a plusieurs applications. Il y a une première application, c'est la première qu'on a utilisée, c'était pour visualiser des choses extrêmement rapides, comme par exemple les molécules qui s'orientent dans un liquide. Par exemple, elles s'orientent dans des temps de la picoseconde. Hein. La picoseconde, c'est le millième de milliardième de seconde, hein, 10 moins 12. 10 moins 12. Voilà. Ça, c'est typiquement les temps de mouvement des molécules dans les liquides. Mais il y a une deuxième application absolument sensationnelle. C'est la possibilité de créer des puissances extrêmement élevées. En prenant la puissance, si vous vous souvenez, c'est l'énergie divisée par le temps. Alors, avec le laser, eh bien, on peut utiliser, avec un petit peu d'énergie... l'ordre du joule, hein, j'aime à dire que vous prenez 1 million de joules le matin à votre petit déjeuner, hein, et avec un joule mais qui est délivré en une picoseconde, c'est un térawatt. Et un térawatt, c'est l'équivalent de... Un térawatt, c'est à peu près avec un facteur 2, c'est la puissance du réseau électrique mondial. Et actuellement, on en est plutôt à la dizaine de pétawatts, c'est-à-dire 10 000 fois ceci. Hein. Mais seulement le même concept, en produisant cette énergie, une petite quantité d'énergie dans des temps encore plus brefs, qui sont les temps de la femtoseconde, c'est-à-dire 10^-15, ou 1 millionième de milliardième de seconde. Et on va voir qu'on arrive à descendre encore en dessous à l'atoseconde. Absolument, mais et à la zeptoseconde. Et la zeptoseconde, 10^-18, 10^-21. On n'a pas fini. On va revenir à tout ça. Ce qui est intéressant, peut-être, Gérard Mouroux, pour revenir à la source, c'est que, vous l'avez dit, hein, 67, c'est votre premier contact avec un laser, mais vous faites votre thèse sur l'étude de la variation de fréquence des lasers à rubis déclenchés. Qu'est-ce qui vous conduit vers l'optique? Pourquoi l'optique en physique? Ah non, l'optique parce que bon, c'est beau d'abord. Hein. D'ailleurs, Donna Strickland, qui était mon ancien élève, hein, c'est mon élève de thèse, vous le dira elle-même. Elle aussi, elle a été elle a choisi de travailler pour moi. C'est parce que elle est rentrée dans mon laboratoire et elle a vu un laboratoire avec toutes les couleurs. Elle pensait que c'était un arbre de Noël. Donc c'est ce qui l'a séduit. Moi à l'époque, quand j'ai commencé le laser, bien sûr, on n'était pas avec, on avait une catégorie de laser qui s'appelait le laser à rubis, enfin ou quelques. Et puis ce laser, eh ben on pouvait pas le voir parce que il émettait dans une raison qui est pas dans un régime qui est pas visible à l'œil, hein, dans l'infrarouge. Et donc c'était un tir par seconde, etc. Donc c'était extrêmement primitif, mais quand même, ce qui m'a conduit vers le laser, c'est que effectivement cette idée de la cohérence de cette lampe spéciale qui émet de la lumière cohérente, j'ai envisagé déjà beaucoup d'applications. Voilà. On va revenir sur les applications, mais on va rester encore un peu dans la recherche fondamentale parce que c'est intéressant de voir comment, grâce à vos travaux et à ceux de Donna Strickland, vous avez fait basculer le laser dans une autre ère et dans l'ère justement de la pico, puis femto, puis attoseconde. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h15 sur France Culture, nous parlons des travaux de Gérard Mourou et Donna Strickland qui leur ont valu le prix Nobel en 2018 autour du laser. C'est intéressant, Gérard Mourou, vous racontez dans vos entretiens que vous décidez assez vite de partir à Rochester, de quitter la France pour poursuivre justement vos travaux sur ce laser. Il paraît que vos collègues à l'époque vous traitaient de fou. C'est ce que vous dites, hein? Oui, ils pensaient que, à l'époque, vous savez, on voyageait, c'est plus comme maintenant, hein, maintenant il est absolument nécessaire pour que les gens bougent pour aller voir dans votre laboratoire, etc. À l'époque, on était beaucoup moins mobile, hein, beaucoup beaucoup moins mobile. Alors dès qu'il y avait quelqu'un qui bougeait un peu plus que les autres, on traitait de marginal. Actuellement, oui, effectivement, j'ai toujours été passionné par ce que je faisais et j'allais à l'endroit où je pensais que je pouvais satisfaire ma curiosité. Hein. J'étais pas le scientifique qui attendait qu'on lui propose un sujet de recherche, mais j'allais au-devant et j'allais vers ce qui me plaisait. Voilà. Pourquoi Rochester ? Parce que à l'époque, Rochester, c'était le premier laboratoire qui était dans ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire par laser. Hein. Il y avait un énorme laser, qui était un laser aussi terawatt, hein, mais qui tenait la taille du bâtiment. Et avec ce laser, bien sûr, il y a énormément d'expertise qui vont autour de là. Hein. Pour construire ce type de laser, bien sûr, il faut des connaissances très très pointues. Et bien sûr, il était absolument à la pointe de la recherche dans le monde. Donc j'ai décidé de partir là, mais une fois que je suis arrivé dans le laboratoire, j'ai trouvé que la recherche qu'on me proposait était trop programmatique. Et le directeur du laboratoire a tout de suite compris, il m'a dit « Gérard, il vaut mieux que tu fasses la recherche qui te plaise. Tu as les étudiants, il y a d'excellents étudiants à l'université de Rochester, dont Donna Strickland. Donc, j'ai monté un groupe comme je suis très très créateur, qui travaille sur beaucoup de sujets, dont le sujet du CPA de Donna Strickland. Voilà. Ce qui nous amène effectivement à cette technique dite CPA pour Chirped Pulse Amplification ou amplification à dérive de fréquence en français. C'est plus poétique en anglais, chirp, parce que chirp, expliquez-nous pourquoi ce mot. Non, chirp, ça veut dire c'est gazouillis. C'est gazouillis. Hein. Quand un oiseau chirp, pendant son cri, il change la fréquence de l'onde porteuse, voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle gazouille, voilà. Tout ça. Et en anglais, c'est chirp. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on est au fin des années 70, au début des années 80, et la technique du laser est face à une sorte de mur, en tout cas une mur en termes de puissance maximale de l'ordre du gigawatt à l'époque, parce que au-delà de cette puissance, eh bien, ça provoque la brisure des matériaux qui fabriquent le laser. Absolument, absolument. Parce que le champ laser devient tellement intense, le champ électrique laser, qu'il vient ioniser les atomes qui constitue le matériau amplificateur ou les matériaux qui composent les miroirs et des choses comme ça. Vous pouvez peut-être nous raconter très brièvement comment fonctionne un laser simple, basique, comment est-ce qu'on arrive justement à rendre cohérent un faisceau de lumière avec quelques exemples visuels ou quelques analogies? Oui, alors ça c'est pas, je vais pas parler là du, je vais parler du laser conventionnel. Voilà, c'est ça. Et ensuite comme ça on pourra parler du CPE. Le laser conventionnel, c'est très simple, c'est un milieu qui est un milieu optique qui est amplificateur et qui est en sandwich en deux miroirs. Hein? Alors vous avez ce milieu optique amplificateur, et c'est là où Einstein est intervenu en 1916, parce qu'il a prédit que si on pouvait exciter les milieux, et bien non seulement ils n'absorberaient plus, mais ils pourraient amplifier. Parce que avec tous les matériaux, en principe, absorbent, ils n'amplifient pas. Hein, il absorbe, si vous, il y a de la lumière qui traverse une vitre, par exemple, ben, en principe, il y a moins de lumière après la vitre qu'avant. Hein. Et je compte pas la diffusion et tout ça. Hein. Je compte. On simplifie. C'est pour des lumières, c'est pour des vitres qui sont très propres. Hein. C'est ça. OK. Et là, il se trouve que, le matériau amplificateur est un matériau qui est quantique, et où il y a des états, comme dans des immeubles, par exemple, vous habitez dans des premiers étages, ou deuxième étage, ou dixième, ou quinzième étage, et c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans les matériaux. Vous avez les atomes qui habitent des étages de plus en plus haut. Mais plus les étages sont hauts, bien sûr, plus les étages sont demandent de l'énergie pour les peupler. Alors normalement, alors vous voyez cet immeuble là où il y a tous les atomes qui habitent les étages. Alors normalement, ces matériaux sont complètement toujours absorbants. Absorbants parce que il y a plus de personnes qui vivent, ou plus d'atomes, ou plus de molécules qui vivent dans l'étage le plus bas. Et chaque fois qu'un autre intervenant vient, par exemple, un photon qui vient, eh bien, ce qu'il voit, c'est surtout les atomes qui sont dans le premier étage, et il va chercher à l'exciter. À les faire monter d'étage. À les faire monter d'étage, et ça conduit une absorption. Alors, ce qu'a prédit Einstein, c'était simplement de dire que, eh bien, si maintenant par intermédiaire d'ascenseur, etc., eh bien, on intervertit les choses qui se font naturellement. Naturellement, on a le temps, on a bien sûr la tendance à vivre dans l'étage le plus bas. Hein? Ça coûte, ça coûte moins d'énergie. Il faut monter les escaliers, tout ça, c'est pénible, etc. Mais vous avez un bel ascenseur. Alors, maintenant, vous pouvez prendre l'ascenseur et aller aux étages les plus hauts. Et donc, vous pouvez peupler les étages plus que les hauts, plus que les étages du bas, ben vous avez établi ce qu'on appelle une inversion de population. Et ce matériau, maintenant, devient amplificateur et non absorbant. Voilà. Et c'est ce matériau maintenant qu'on va prendre délicatement et qu'on va coincer entre deux miroirs. Et ce qui va se passer, c'est que le matériau, une fois qu'on l'excite, alors là, on prend des lampes pour exciter, ou c'est du courant, ou c'est, on l'excite de façon chimique, etc. Il y a différentes. La première, bien sûr, ce qu'a fait Ted Mayman pour la première fois, c'est qu'il a utilisé une lampe flash. Il a éclairé un barreau de rubis, hein, et il a établi donc cette fameuse population, inversion de population, et il avait des miroirs, hein, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la lumière commence à s'échapper, eh bien, elle commence à osciller entre ces deux miroirs, hein, et cette oscillation, justement, fait que l'émission va devenir extrêmement monochromatique. Sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde, voilà. Alors que si on faisait pas ça, eh bien, la lumière sortirait du matériau avec un large spectre. Voilà. Et là, il y a une sélection qui se fait à l'aide de miroirs. Voilà, c'est la plus belle analogie du laser, comprendre grâce à la population d'un immeuble. Merci beaucoup, Gérard Mourou, c'était assez visuel et très intéressant. Donc, on en arrive à ce moment où, effectivement, on a un problème, ou en tout cas, vous rencontrez, la science rencontre un problème, c'est qu'au-delà d'une certaine puissance, eh bien, ça casse justement ces matériaux amplificateurs, et il fallait trouver un système pour réussir à contourner ce problème-là. C'est ce qui vous vaudra le prix Nobel en 2018. C'est ce moment où vous travaillez avec Donna Strickland. Et ben justement, on va en parler avec Donna Strickland. Alors, pas directement, mais grâce à vous, Céline Lezen, parce que vous avez pu rencontrer la troisième femme prix Nobel de physique de l'histoire lors de l'un de ses passages à Paris. Oui, j'ai eu la chance de la rencontrer, Donna Strickland. C'était en avril dernier à l'École normale supérieure à Paris. Dans cet échange, elle est revenue sur sa rencontre avec vous, Gérard Mourou. Elle m'a expliqué ses préoccupations à l'époque dans un contexte où la physique des lasers était en plein essor. Et surtout, elle m'a expliqué comment elle perçoit aujourd'hui cette collaboration, comment elle a su mettre en œuvre techniquement l'idée ambitieuse qui était la vôtre. Quand j'ai commencé à étudier les lasers, il y avait des lasers à très haute énergie utilisés pour la fusion. Il y avait également des lasers à très courte pulsation que l'on utilisait pour des mesures de très courte pulsation. Mais on ne pouvait pas amplifier ces courtes pulsations car cela aurait détruit les amplificateurs. Voilà, on voulait étudier ces processus-là, mais on ne voulait pas que ça se retourne contre l'amplificateur. Et c'est comme ça que nous avons inventé l'amplification par dérive de fréquence. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre thèse et la rencontre avec Gérard Mourou et comment est venue cette idée de créer ce dispositif de laser? Est-ce que c'est Gérard Mourou qui a donné l'idée et ensuite vous qui l'avez mise en application? Oui, mon projet donc, consistait à étudier des non-linéarités de très haute intensité. C'est pourquoi nous avions besoin d'un plus de pulsations de très haute intensité également. C'était l'idée de Gérard Mourou, mais mon travail est effectivement de l'appliquer. Mais vous avez demandé comment j'ai rencontré Gérard. Alors, c'était un ami canadien qui m'a vu lorsque je suis rentrée à Rochester et je lui ai dit que je voulais étudier les lasers. Il m'a dit « Ah, je sais absolument à qui tu dois parler » et il m'a emmené rencontrer Gérard Mourou. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette technique, par rapport à celle justement qui existait avant. Vous avez dit que c'était une technique beaucoup plus puissante, mais quels étaient l'objectif derrière? L'objectif, c'est un petit peu différent que ce que nous avons obtenu au final. L'idée, c'est que ce n'est pas un processus fermé. C'est une interaction. Alors, en général, le laser est absorbé par un objet non transfermé et l'énergie de la lumière est transformée en énergie thermale. Alors qu'avec notre laser, donc les lumières fait sortir les électrons de l'atome. Donc on n'a pas besoin d'avoir nécessairement une machine qui absorbe la lumière. Maintenant, on peut travailler sur des matériaux transparents, comme par exemple la cornée ou du verre. Et il n'y a pas besoin d'absorber sur la surface. Parce qu'à présent, si on utilise une lentille pour concentrer la lumière, eh bien, l'intensité n'est pas très haute au début. Donc, vous pouvez imaginer comme ça que si vous avez des molécules qui sont projetées sur votre visage comme une écume, eh bien, ça ne vous fait pas mal. Par contre, si elles sont très, très concentrées, ça devient véritablement une petite balle, ça peut vous faire très mal. Et là, l'idée, c'est d'avoir cette concentration et de pouvoir cibler précisément à l'endroit où vous pouvez couper. Donc, c'est toute la différence. Il s'agit d'une densité de l'énergie, pas de l'énergie en tant que telle. Et donc c'est très concentré et ce sont également des pulsations extrêmement courtes, ce qui nous aide à concentrer, à compresser encore plus cette énergie. Vous disiez à l'époque, « It was my job to take Gérard Mourou's beautiful idea and make it reality ». Pensez-vous que ces recherches pourraient aller aussi loin? Est-ce que vous avez senti alors tout le potentiel de cette découverte pour la physique et pour d'autres domaines? Je pense qu'à l'époque, nous pensions que c'était destiné à de la recherche sur les lasers à haute intensité. Nous ne pensions pas du tout aux applications concrètes. Je pense que pour nous, c'était uniquement de créer ces interactions non linéaires pour comprendre comment la lumière interagissait avec la matière à cette intensité extrêmement élevée. Et ensuite, après qu'on ait fait ces expériences, nous avons pu comprendre le phénomène d'une autre manière et penser aux applications. Mais à l'origine, l'objectif, c'était la science pure. Une des applications majeures a été pour la chirurgie de l'œil. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'anecdote qui a abouti à cette application avec votre étudiant qui s'est accidenté avec un coup de laser dans l'œil ? Well, this was of course years after. I was not there. Moi, je n'étais pas présente ce jour-là. Gérard était au Michigan à cette époque et moi, j'étais au Canada. Alors, si j'ai bien compris, un étudiant s'est blessé l'œil avec un laser. Et la différence, c'est que cette blessure était toute petite. Et ensuite, une fois que ça a été constaté, Gérard a commencé à travailler avec cet ophtalmologiste et ils en sont venus à l'idée d'utiliser ce laser pour couper la cornée. À présent, on utilise également ce laser pour soigner la cataracte. Et j'ai juste découvert ça moi-même, cette technologie cette semaine. Et on utilise ça du coup pour détruire complètement le fond de la pupille pour introduire un nouveau cristallin. Vos travaux actuels à l'Université de Waterloo, en quoi ils consistent exactement ? Est-ce que vous êtes tourné vers l'optique plutôt dans le domaine de l'astronomie aujourd'hui ? Donc je construis ces lasers à amplification par des règles de fréquence. La plupart ont des amplificateurs à deux couleurs et nous travaillons sur ces lasers non linéaires qui ont besoin de deux couleurs. Donc j'essaye de passer entre différents niveaux en dessous de l'infrarouge. Par exemple, ce que je fais, c'est utiliser deux couleurs pour avoir une transition et pour créer toute une série de différentes couleurs séparées par cette énergie. L'idée, c'est que si l'on peut créer fusionner en fait toutes ces couleurs, il y aura une lumière intense à très courte pulsation. Et par exemple, on peut faire des sortes de mouvements moléculaires, des films moléculaires pour essayer de montrer comment l'énergie passe au travers d'une molécule. Donc on voit que vos travaux sont toujours dans l'optique et des lasers. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir ? Est-ce que vous dites que le plaisir est vraiment nécessaire dans l'activité scientifique ? J'aime toujours beaucoup aller au laboratoire, travailler avec mes étudiants. Je prends toujours du plaisir en expliquant à mes étudiants ce qu'est la génération de la lumière, ou quand on travaille sur toutes ces couleurs, tout le spectre de couleurs, c'est extrêmement beau à voir. Donc oui, j'aime toujours beaucoup aller au laboratoire. Une question plus sur la représentativité des femmes scientifiques. Vous êtes la troisième femme prix Nobel depuis 1963. Est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le bon sens ? Est-ce que vous avez le sentiment, en voyant vos élèves, vos étudiants, vos doctorantes, que les travaux des femmes sont aujourd'hui beaucoup plus reconnus qu'à votre époque ? Qu'à l'époque, en tout cas, où vous avez passé votre thèse ? Yes, definitely. Oui, indéniablement. Ma fille commence l'université en astrophysique. Enfin, elle commence un master. Elle pense qu'il y a pas mal de femmes avec elle, mais c'est toujours environ 30% et non 50%. Je pense qu'on en parle beaucoup plus ces derniers temps qu'auparavant. Dans les années 1970, alors que moi-même, j'étais en train de devenir une adulte, eh bien, on parlait des liberté de la femme, on disait que les femmes pouvaient tout faire. Et il y avait beaucoup de femmes qui refusaient de prendre le nom de leur mari, par exemple, qui voulaient privilégier leur carrière. Et puis, finalement, après, à un moment donné, c'est comme si on avait oublié d'en parler et on est retourné en arrière. Il ne faut donc jamais arrêter d'en parler, il faut continuer à en parler, à y penser, et c'est uniquement comme ça que les choses vont progresser. Pouvez-vous nous raconter un souvenir un peu plus personnel avec Gérard Mourou ? Comment c'était de travailler avec lui ? Quel était le rôle de l'un et de l'autre ? Est-ce qu'il y en avait un plus idéaliste, un autre un peu plus expérimentateur ? Gerard was an idea guy. Oui, c'était l'homme qui avait... Il est très cérébral, il avait beaucoup d'idées. Moi, j'étais la septième étudiante de son groupe et à la fin de ma thèse, il y avait 30 étudiants de notre groupe. Il lui donnait toujours des idées. Et même quand il rentrait chez lui en France pendant 6 semaines pendant l'été, il nous appelait tous les jours et nous demandait des informations. Et moi, j'étais fascinée par sa capacité de passer d'un sujet à l'autre. Il suivait les travaux de chacun d'entre nous. Et il nous aidait à progresser, c'était impressionnant. Voilà l'interview de Donna Strickland réalisée par Céline Lezenne. Peut-être un mot sur cette conclusion notamment, il y aurait plein de choses à dire, Gérard Mourou, mais sur le fait qu'effectivement vous aviez conçu cette idée, cette technique du CPA, de l'amplification à dérive de fréquence, et c'est Donna Strickland qui l'a concrétisée. Vous disiez à ce propos et à propos de ses travaux, la mise en œuvre expérimentale est certainement aussi complexe que l'idée elle-même. Tout à fait. Il y a une chose, est-ce que je pourrais dire un mot sur Donna ? Évidemment. Ok. Je vous en prie. Voilà, parce que quand j'ai reçu ce fameux coup de téléphone, vous savez que vous recevez une fois dans votre vie, si vous le recevez, donc de Stockholm, donc c'était le chairman du comité Nobel pour la physique, qui Göran Larsson, qui se présente et qui voilà dit j'ai le plaisir d'annoncer que vous êtes le lauréat du prix Nobel de 2018. Ah bon, évidemment, ça me fait un immense plaisir, bien sûr. C'est difficile de contenir sa joie hein, quand on est ça. Elle me dit mais c'est pas fini. Parce que je vais vous dire que vous allez le partager avec votre ancienne doctorante, Donna Strickland. Alors là, vraiment, j'étais très, très, très impressionné et très, très satisfait. Quoi. C'était deux nouvelles qui m'arrivaient en quelques minutes. Et j'étais heureux parce que j'étais effectivement un prix Nobel, mais il y en avait eu une centaine avant moi. Hein, donc, pour un homme d'être prix Nobel, oui, bien sûr, c'est une énorme considération, mais je savais aussi qu'il y avait très très peu de femmes qui avaient eu le prix Nobel. Le fait de physique, je savais pas que c'était 3 à l'époque, mais je savais que c'était quelques-unes. Et là, j'étais pour un professeur. Avoir formé une étudiante prix Nobel, c'est quand même absolument extraordinaire. Et j'avoue que avec Donna, on a toujours eu de très très très bonnes relations et j'ai eu un plaisir immense. Quoi, voilà. Donc je voulais dire ceci là parce que quand même c'était quelque chose de tout à fait spécial dont j'ai appris. Voilà. Et le reste de votre question, c'était... Et le reste de ma question, mais on va y revenir dans un instant, mais parce qu'on va revenir un peu sur cette technique d'amplification à dérive de fréquence que vous allez peut-être nous expliquer, hein, comment on a franchi cette fameuse barrière du gigawatt. Et puis surtout, on va parler évidemment des applications et des applications en recherche fondamentale. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h40 sur France Culture, nous sommes en compagnie de Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018. Nous venons d'entendre Donna Strickland avec qui il a partagé ce prix Nobel pour eh bien leur invention, leur création du laser et de la technique à amplification à dérive de fréquence. Alors justement Gérard Mourou, en un mot, on le disait tout à l'heure, hein, il y a cette limite physique au-delà du gigawatt qui détruit en fait les matériaux à l'origine de la focalisation du laser. Comment est-ce que vous avez réussi à contourner théoriquement et pratiquement ce problème du gigawatt en quelques mots? Eh bien, c'est pas venu absolument tout de suite. En fait, je connaissais l'idée, m'est venue progressivement. Et c'était... en fait, on était sur un télésiège. Bon, il y a plusieurs versions parce que effectivement, une idée n'arrive pas instantanément, mais c'est des fois en succession. Je vais vous raconter la plus intéressante. C'est que donc nous skions avec ma femme Marcel. Moi, je suis savoyard, hein, donc j'adore le ski. Et vous savez que lorsque vous skiez, des fois c'est extraordinaire. Il y a le ciel bleu, la neige est merveilleuse, etc., etc. Et là, vous vous laissez aller. Hein. Et j'ai pensé à un papier que j'avais lu, etc., qui détournait un des problèmes vraiment clés du problème du CPA. Et là, j'ai dit à Marcel, ma femme, d'abord, elle a pas compris, parce que j'avais fait presque un bond dans le télésiège. J'ai dit, écoute, non, là, il faut que je retourne au laboratoire. Nous étions à Rochester, la station était à peu près à 50 km du laboratoire. Donc Marcel est reparti avec nos amis, avec nous étions. Et moi, j'ai filé tout droit. Je suis arrivé au sommet du remonte-pente. Et puis hop, je suis allé en bas dans le tout parking, prends la voiture, chousse. Et pris la voiture et allé dans mon laboratoire. Et là, mes étudiants, c'était un samedi, hein, mais les étudiants aux États-Unis travaillent énormément. Même le samedi. Et donc, j'ai un de mes étudiants, je lui dis, écoute, Maurice, il s'appelait Maurice, Pessade. Voilà ce qu'on va faire maintenant. J'ai trouvé la solution pour pouvoir amplifier. Parce qu'on y avait toujours un problème. Et donc, je lui expose ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on prend l'impulsion et on l'étire. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut étirer une impulsion? C'est qu'en fait, quand une impulsion est très très brève, elle est composée de beaucoup de couleurs. Ça, c'est quelque chose, c'est le principe de Fourier qui nous dit ça. De beaucoup de fréquences, donc De toutes couleurs. Elle a un spectre très large. Elle a un spectre très très large. Une impulsion brève dans le temps a un spectre de fréquences très large. Et alors, je me dis, ben on va simplement prendre des réseaux et puis on va étirer cette impulsion parce qu'il y a toutes les couleurs. Donc, on pouvait disperser maintenant avec les réseaux les couleurs. Et puis, si on remet notre réseau, ben alors à ce moment-là, on le collimate et on a une impulsion qui est étirée, mais qui est étirée de 10 000 fois. Et si on a une impulsion qui est étirée 1000 à 10 000 fois, eh bien sûr, l'intensité est divisée d'autant. Et alors après, on amplifie. Une fois que l'impulsion est étirée, bon, là, une intensité qui est moindre, on peut l'amplifier. On peut extraire l'énergie de l'amplificateur de 1000, 10 000 fois mieux. Et une fois que l'impulsion est revenue, on la recompresse. C'est pour ça qu'il y a toujours un étireur, ce qu'on appelle, et puis un compresseur, chaque laser, parce que maintenant c'est adopté complètement. Et donc, et là, bien sûr, on obtient tout de suite une amélioration de 1000, 10 000. Or maintenant, on était à 1 000 000, hein, de fois. Voilà, c'est un petit peu l'idée. J'espère que vous l'avez comprise, mais Parfaitement clair. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, donc vous arrivez à ramener l'impulsion à 2 picosecondes. Donc on est voilà, à 2 picosecondes. À 10-12. 10-12. Mm-hmm. Ça, c'est parce que c'était à l'époque. On a fait ce travail avec Donna, c'est qu'il y avait que des impulsions picosecondes. Hein. Je vous ai dit, on part d'une impulsion brève. Une impulsion picosecondes, c'est quand même un millième de milliardième de seconde. C'est court. Et c'était les impulsions les plus courtes qu'on pouvait produire. Mais maintenant, bien sûr, on est dans le domaine de la femtoseconde. On est aussi dans le domaine atoseconde. Mais c'est surtout le domaine femtoseconde où là, c'est 1 000 000ème de milliardième de seconde. Hein. Et là, bien sûr, comme je vous ai dit, le spectre, plus l'impulsion est courte, plus le spectre de fréquence est large. Et donc, le spec est beaucoup plus, avec des impulsions femtosecondes, le spec est beaucoup plus grand et c'est encore plus facile à faire donc le CPA. Et alors, Gérard Mourou, j'aimerais... Alors, on a beaucoup parlé des applications, évidemment, en chirurgie ophtalmologique, en découpe de précision. C'est extrêmement important en métrique, parce qu'on peut mesurer de manière extrêmement pointue un certain nombre de phénomènes. Mais j'aimerais qu'on passe un peu aujourd'hui, justement, à ce à quoi ouvre la poursuite de vos recherches. Ah oui, si, petite anecdote amusante, puisque donc, plus on le réduit, hein, plus on arrive femtoseconde, attoseconde, plus on monte en puissance, terawatt, pétawatt, hexawatt. Il paraît que vos étudiants parlaient du mourouat. Bah oui. Oui, oui, ça c'est... C'est quoi le mourouat? Pas que mes étudiants, mais presque tout le monde dans le domaine. Oui, le mourouat, c'est la puissance qu'on n'arrive jamais à atteindre. D'accord. Hein? Et donc, ce qui est intéressant quand on arrive à ce mourouat, c'est-à-dire à cette puissance extrêmement élevée, on commence à avoir des applications qui relèvent là aussi de la recherche fondamentale et qui sont assez passionnantes. J'aimerais que vous nous expliquiez, notamment, vous avez une ambition maintenant qu'on est à l'hexawatt ou à l'attoseconde, c'est l'ambition de réussir à faire claquer le vide. C'est quoi ça, Gérard Mourou? Oui, eh bien écoutez, c'est vrai qu'avec les impulsions, comme disait d'ailleurs Donna, hein, lorsqu'on a commencé à produire des impulsions ultra intenses, on ne savait pas très bien ce qu'on pouvait faire avec. Mais bon, tout de suite, des collègues physiciens nous ont proposé des expériences, etc. Voilà. Et donc une, c'était ce fameux claquage du vide. Qu'est-ce que c'est le claquage du vide? Eh bien, écoutez, le vide, c'est pas le vide, d'abord. OK? Le vide, il est constitué de particules et antiparticules qui naissent et disparaissent constamment. Hein? Au départ, on pensait que le vide, c'était le vide. Hein? Puis après, on s'est rendu compte et dit, mais comment se fait-il que la lumière se propage dans le vide? Dans le son, dans le vide, le son ne se propage pas. Hein? Et là, c'était un gros problème que tous les physiciens de l'époque, du 18e siècle, disons, ne pouvaient pas expliquer. C'est comment pouvait-on voir la lumière qui vient des étoiles, etc., qui se propage dans le vide. Et donc ça, c'était bien sûr très... c'était vraiment, je veux dire, c'était quand même quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que le vide, c'est quelque chose, on touche à quelque chose qui est... On vient tous du vide. Le vide gouverne toutes les lois, pratiquement, de la physique. Et donc, essayer de comprendre le vide, bien sûr, c'est fondamental. Et là, on a une manifestation, justement, du vide, c'est qu'on peut le faire bouillir. On peut le claquer. Hein. J'ai un de mes neveux qui me dit, qu'est-ce que tu fais, toi, tu es physicien, qu'est-ce que vous faites, le physicien? Puis je dis, écoute, je fais bouillir le vide. Alors là, pose plus de questions. Enfin voilà. Donc le vide, il est constitué de particules et antiparticules Qui s'annihilent immédiatement. Qui s'annihilent et qui naissent, qui s'annihilent et qui naissent, etc. Et c'est donc il faut le prouver. Et pour le prouver, eh bien il faut, souvent ce qu'on fait en physique des hautes énergies, ben il faut le détruire. Il faut essayer de détruire, comme ça on peut voir les morceaux. Et on peut les on peut voir comment le vide est fait. Et ça, donc, c'est le projet européen ELI, c'est ça? Oui, ELI, c'est dans la poursuite de ça, parce qu'on n'y est pas encore. Hein, oui, bien sûr. On n'y est pas encore, il nous manque quelques ordres de grandeur. Typiquement, on sait ce qui nous manque exactement. Qu'est-ce qui vous manque? Eh bien, c'est de l'ordre de 3 ordres de grandeur encore. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit l'hexawatt, zettawatt, mais ça on va y arriver. Hein. Et pour justement faire bouillir le vide, faire claquer le vide et le décomposer en ces éléments. Mmh. Voilà. Il y a d'autres applications qui sont en cours hein, de développement, qui sont encore à l'état de recherche, mais qui sont passionnantes. Notamment, Gérard Mourou, vous dites qu'il est possible, grâce justement à ces niveaux d'énergie et de rapidité, de transmuter les déchets nucléaires, c'est-à-dire de réduire drastiquement la vie des déchets nucléaires. Expliquez-nous ça. Oui, alors d'abord, il faut que je vous explique une fois qu'une des grandes applications, bien sûr, du laser CPA, c'est de pouvoir produire des particules, accélérer des particules à des niveaux d'énergie très élevés, sur des petites distances. Hein. Par exemple, si vous utilisez le CERN, là où on a bien sûr démontré de façon magnifique le boson de Higgs, le CERN est à 27 km. Pourquoi ? Parce que on peut pas créer des champs électriques de plus d'un mégavolt par centimètre. Et si vous voulez le téravolt, 10 puissance 12 volts, il vous faut 27 km. Voilà. Alors maintenant, il se trouve que mon ami Tajima, avec qui j'ai beaucoup travaillé, a eu cette idée absolument splendide, c'est d'utiliser le laser CPA pour accélérer les particules. Et on les accélérait, on comprend bien que avec ces impulsions très très brèves, on peut bouger les particules. On peut les interagir et puis on peut les faire bouger. Pour ça, on utilise un plasma, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais évidemment, lorsqu'on a des impulsions qui font des terawatts ou des pétawatts, 1000 fois la puissance du réseau mondial, etc. Bien sûr, c'est pas étonnant qu'on puisse déplacer des particules excessivement rapidement. Donc, on peut les amener à des énergies très élevées. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, maintenant, on n'avait plus besoin de. On pouvait compactifier la taille des accélérateurs, mais d'un facteur énorme. D'un facteur 1000, et maintenant on parle de 10 000 et plus. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le CERN, maintenant le 27 km, ça devient une centaine de mètres. Et si ce qu'on est en train de faire actuellement, de démontrer actuellement, se réalise, ce 27 km pourrait avoir la taille d'un centimètre. Et obtenir des énergies, des niveaux d'énergie, c'est en téraélectronvolts. Téraélectronvolts, ouais, et obtenir les téraélectronvolts. Ça c'est une chose. L'autre donc, chose, maintenant, voilà, ça nous amène aux déchets. Ça nous amène aux déchets nucléaires. Bien sûr, lorsqu'on a cette possibilité fabuleuse maintenant d'accélérer les particules sur des distances extrêmement courtes à des énergies, on peut envisager énormément d'expériences. Vous savez qu'il y a les accélérateurs, on utilise les accélérateurs constamment, dans la médecine, dans le monde industriel, etc., constamment, bien sûr, en physique fondamentale. On utilise les accélérateurs fondamentaux. En médecine, par exemple, on peut accélérer, on peut produire des protons, par exemple, ou des protons, et on peut faire de la protonthérapie. On pourrait faire de la protonthérapie, qui est la thérapie de choix, parce qu'ils détruisent pas les tissus. Et une autre chose, bien sûr, à laquelle je tiens beaucoup, c'est d'utiliser cette façon d'accélérer les protons pour pouvoir transmuter les déchets nucléaires. Alors, ça se passerait comment concrètement? Ça se passe très simplement, c'est-à-dire qu'on accélère des protons à des niveaux d'énergie qui sont là de l'ordre de la centaine de MeV, mégaélectrovolts, etc. Oui. Et ensuite, ils sont focalisés sur des matériaux. Et là, ces protons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors d'abord, on convertit ces protons en neutrons, je vous dis. Parce que les neutrons ce qu'on veut faire, c'est finalement modifier le noyau. Vous voyez, le noyau qui est composé, bien sûr, de neutrons et de protons, essentiellement. Et là, maintenant, il faut convaincre, on a deux façons de faire. Il faut arriver à convaincre le noyau d'accepter un autre neutron de plus, donc on le change et on va le déstabiliser de cette façon-là. Et donc, sans déclencher une réaction nucléaire. Non, bien sûr. Parce que là, normalement, quand on bombarde des neutrons sur un noyau, ça donne la fission. Oui, exactement. Mais là, il y a très peu de, il y a très peu. C'est pas comme dans le, la fission nucléaire où on utilise bien sûr beaucoup de ce qui se passe, c'est que les neutrons cassent des noyaux, qui eux cassent des noyaux. Il y a ce phénomène d'avalanche. Donc là, on n'a pas de phénomène d'avalanche. On se met dans une situation où il n'y a pas de phénomène d'avalanche. Hein, donc c'est complètement safe. Voilà. Donc si on arrive maintenant à changer le noyau, eh bien le temps de vie du noyau, on change d'isotope, peut aller de quelques millions de degrés, de millions d'années, en quelques jours, des fois même dans les laboratoires, des secondes. Et ça, pour le moment, c'est strictement théorique, ou est-ce qu'il y a déjà, on est passé au stade expérimental? Il y a eu des expériences qui ont été faites qui démontrent ceci. Il n'y a aucun. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire un système qui soit commercialement viable. Hein, parce que si ça coûte trop cher, il faut vraiment maintenant que on travaille sur la technologie de façon à faire baisser le coût du laser, augmenter aussi son efficacité, parce que le laser n'est pas connu pour être très efficace. On parle de pourcents, mais on sait faire des lasers qui auraient 30% d'efficacité. Alors on travaille sur l'efficacité des lasers. Et on travaille aussi sur la production de neutrons, parce qu'on va avoir besoin de neutrons et on va avoir besoin de flux de neutrons très importants. Si on veut, parce qu'il y a des milliers de tonnes à transmuter. Donc c'est quelque chose. Il faut travailler beaucoup sur le laser et puis l'efficacité la réaction de façon à produire des flux de protons très importants. Est-ce qui apporterait une solution au problème de l'enfouissement des déchets nucléaires, notamment, entre autres. Bien sûr, voilà. On y pense tous. Je sais que c'est ambitieux, mais je pense que c'est les scientifiques. Les scientifiques ont créé le monde où nous vivons. Toute cette qualité de vie que nous bénéficions actuellement, il y a un prix. Il a un prix et le prix, c'est par exemple, c'est de pas avoir assez d'énergie. Et quand on regarde le futur, eh bien, on se rend compte quand même que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui est la plus abondante. Si on arrive à la faire de façon acceptable, et si on fait la transmutation, à mon avis, on rend l'énergie nucléaire absorbable. Juste pour vous donner une idée. Et pour conclure. Pour créer un gigawatt par une station de gigawatt, pour créer l'électricité, un gigawatt, j'arrive plus à parler. Eh bien, il faut, pendant un an, il faut 100 trains de charbon. Il faut 300 tonnes d'uranium. Ou une tonne de thorium, qui est aussi un élément. Voilà. Donc, et en plus, si par exemple on parle du thorium, c'est quelque chose qui n'a pas tous les inconvénients de l'uranium. Voilà. Eh bien, on surveillera, on parlait de la fusion la semaine dernière, on surveillera évidemment toutes ces évolutions scientifiques. Merci beaucoup Gérard Mourou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vendredi prochain, ce sera le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et bien tomber amoureux des sciences, puisque Donna Strickland et vous-même, vous serez à l'École Polytechnique pour fêter les 35 ans de la technique d'amplification à dérive de fréquence, ce fameux CPA qui vous a valu le prix Nobel, et nous venons de parler tout au long de cette heure. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous remercie aussi énormément. Merci Nicolas. À toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Dalia. À la technique demain, en cette semaine spéciale consacrée aux élections municipales sur France Culture, nous parlerons de neuropolitique, comment les neurosciences nous renseignent et renseignent les communicants de tout poil sur la structure de nos opinions politiques et comment les influencer. Rendez-vous demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.